Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fagette dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie locale. Alors, lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, nous allons parler du commerce en centre-ville. Alors, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco. Alors aujourd'hui, dans l'Instant Éco, on s'intéresse au cœur battant de notre ville, les commerces du centre-ville de Nancy. Boutiques indépendantes, enseignes historiques, nouveaux concepts, ils font vivre nos rues, créent du lien et participent à l'identité d'Ancène. Mais entre hausse des loyers, évolution des habitudes de consommation et concurrence du commerce en ligne, comment ces commerces s'adaptent-ils? Quels sont les défis mais aussi les opportunités pour le centre-ville? On en parle tout de suite et nous accueillons pour cette émission des journalistes en herbe, à savoir les étudiants du lycée. C'est Georges de la Tour de Nancy qui prépare un DCG, un diplôme de comptabilité et de gestion. Alors, l'occasion donc de présenter en quelques mots cette formation. Alors, ce diplôme, donc diplôme de comptabilité et de gestion, est un diplôme national de niveau Bac plus 3 qui forme aux bases essentielles de la comptabilité, de la gestion, de la finance, du droit et du management. Alors, la formation dure généralement 3 ans après le bac et permet donc soit une insertion professionnelle après le DCG en tant qu'assistant comptable, gestionnaire, soit avec une poursuite d'études, notamment vers le DSCG, pour devenir expert comptable. Alors, on va retrouver ces étudiants qui vont nous parler justement du commerce du centre-ville avec chacun, pour chacun, donc une problématique spécifique. Alors, on retrouve tout de suite le premier groupe. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous emmener au cœur du centre-ville de Nancy, là où les commerces font vivre les rues au quotidien. Nous sommes Adam, Atakan et Mehmet, étudiants en DCG2, et pour cette émission, nous sommes allés à la rencontre des habitants et des passants dans les rues de Nancy. On leur a posé des questions sur les commerces du centre-ville, leurs habitudes, leur importance, mais aussi les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. À travers leurs témoignages, on va comprendre le rôle essentiel du commerce local dans la vie nancyenne. La première question posée était, quelles enseignes privilégiez-vous ? Alors, dans le centre de Nancy, j'achète énormément de vêtements. Alors, moi, au centre-ville de Nancy, les boutiques que je privilégie surtout, c'est les boutiques de prêt-à-porter, tout ce qui va être Zara, H&M, Mango. Alors, personnellement, pour tout ce qui est nourriture et besoins primaires, je dirais que c'est mes parents qui s'en occupent. Donc, moi, je fais les courses. Enfin, je ne fais pas les courses et je vais au magasin seulement pour acheter des outils du quotidien, comme des outils électroniques où j'irai par exemple à la Fnac. Ou alors, j'aime bien lire aussi, donc j'y vais à un magasin, peut-être vous connaissez, ça s'appelle Plus Belle Début. Où faites-vous principalement vos courses ? Alors, moi, je privilégie de faire mes courses dans des grandes surfaces, parce que je trouve que c'est plus pratique, qu'on a accès plus facilement à tout ce qu'on cherche, en fait. Enfin, moi, je privilégie les grandes surfaces. Et la troisième question, quels sont les inconvénients en centre-ville ? Il n'y a pas vraiment d'inconvénient à part l'accès, mais ça tient pas aux commerçants en fait. C'est l'accès qui peut être un petit peu plus compliqué. Ce serait les places de stationnement. Je trouve qu'il y en a pas beaucoup. C'est très compliqué de venir à Nancy en voiture. Personnellement, je privilégie d'aller en transport en commun parce que, comme dit, on tourne vraiment pendant 15-20 minutes peut-être pour pouvoir trouver une place. Et enfin, que faut-il apporter de nouveau en centre-ville ? Je dirais que le plus important, ce serait que le centre-ville soit assez vivant. Comme il faut que le centre-ville soit assez vivant, qu'il y ait des événements ou qu'il y ait d'autres choses comme ça du genre, c'est le plus important pour moi. Et aussi qu'il y ait aussi beaucoup de variétés, qu'il y ait beaucoup de produits... Alors, pour moi, dans un centre-ville, ce qui est important, c'est que ce soit facilement accessible, que ce soit en transport en commun ou même en voiture. Après, je dirais le fait qu'il y a des enseignes variées, que ce soit tout autant des boutiques, de mode, de loisirs, des lieux alimentaires, qu'il y a un peu de tout, quoi. Quoi de nouveau à apporter ? Eh ben, une simplification des accès au centre de Nancy, que ce soit par transport en commun ou par véhicule particulier. Eh bien, merci Adam, Atakan et Mehmet pour ces différentes interviews, car on va retrouver donc tous ces différents thèmes tout au long donc justement de cette émission. Fadjet, un espace original d'expression et de dialogue. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Alors, ce qui revient fréquemment, que c'est la problématique du transport. C'est l'occasion donc d'en parler avec Alena, Lilia et Nabintou. Oui, nous allons aborder la question du transport en centre-ville, en sachant que deux alternatives s'offrent aux usagers. Soit ils peuvent utiliser les transports en commun, ou bien ils peuvent utiliser leur voiture. Or, des critiques sont formulées par les usagers prenant leur voiture, comme le signale cette personne que nous avons interviewée. Alors, je suis venue au centre-ville en voiture. Et est-ce que tu as galéré à trouver une place de parking? Oui, sur Nancy, c'est assez compliqué. Il n'y a pas de place de parking. Et t'en penses compliqué. Quoi, des prix? Je pense que... Ils sont trop élevés, il faudrait que ça baisse, quoi. On a pu ainsi constater que l'accès au centre-ville est considéré comme trop cher et difficile d'accès en voiture, ce qui peut dissuader certains consommateurs à préférer le commerce en périphérie. Mais la ville de Nancy a développé un réseau assez dense de transports en commun et globalement, les usagers sont satisfaits, notamment avec la gratuité pendant le week-end. On retrouve justement l'avis d'une touriste venant de l'île de la Réunion. Et donc vous pensez quoi de Nancy? Vous avez déjà pris les transports, les bus? Oui, là j'ai pris le bus. Je trouve que c'est plutôt bien desservi. Je suis assez étonnée. Et au niveau des circulations des transports, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est fluide ou il y a trop de bouchons, des choses à améliorer? Non, c'est très fluide. Moi, je suis venue de Paris, j'ai fait la Réunion, j'ai fait Moscou. J'ai beaucoup voyagé. Okay. Et c'est vraiment très très fluide, c'est bien fait. Il n'y a pas de souci de retard ou d'annulation? Non, pas encore. Ok, d'accord. Depuis septembre que je suis là, aucun retard, rien du tout. D'accord. Okay, même merci. Les jours fériés, c'est ouvert. Oui, ouais. Il y a de la circulation. Ok, d'accord. Agréablement étonné. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Cependant, le réseau Stan a des pistes d'amélioration, notamment pour réduire les retards ou augmenter les fréquences en période de pointe. Enfin, le manque de places de stationnement pose problème aux commerçants. Retrouvons une interview d'une responsable d'auto-école. Nous avons des problèmes de stationnement dans la rue, puisque beaucoup de places ont été retirées pour mettre des emplacements de containers à poubelles ou des emplacements pour vélos. D'autres ont été supprimées pour mettre des arbres. Nous avions fait une demande il y a 10 ans pour obtenir une place de stationnement où nous pouvions mettre deux véhicules, ce qui permettait de désengorger la rue, et ce qui permettait aussi aux autres automobilistes de se stationner dans la rue. Cela n'a pas été accordé. Nous louons déjà deux places de stationnement au parking Vinci souterrain. Nous avons également en location un garage dans la rue Jacquard. Cependant, ce n'est pas suffisant puisque nous avons des boîtes manuelles et boîtes automatiques à l'auto-école afin d'optimiser les passages d'examen pour les élèves. Nous sommes obligés de nous mettre en double file ou parfois devant des garages pour 5 minutes. Ce qui fait que payer un abonnement à l'année pour un stationnement de 5 minutes pèse énormément dans les charges de l'entreprise. Nous avons également eu des contraventions pour des stationnements gênants, ce qui nous pénalise puisque nous perdons 3 points sur notre permis. Nous avons 12 points et à force de perdre trop de points, nous pourrions perdre notre travail. Donc notre patron fait son maximum, mais cela pèse énormément au niveau de l'entreprise. Pour conclure, on peut donc constater que le réseau Stan est très utile puisqu'il permet de desservir le centre-ville, mais il ne fait pas l'unanimité. Enfin, remarquons que les places de parking au centre-ville restent un véritable problème auprès des commerçants et des usagers. Reste à savoir si la ville de Nancy palliera à ce problème. Oui, tout à fait, Nabintou. Donc, face à ces constats, les autorités locales multiplient donc les actions pour repenser la mobilité, donc pistes cyclables, priorisation des transports en commun, mais aussi développement des zones piétonnes. C'est justement ce thème que nous allons maintenant aborder. Alors, on retrouve Jules, Imad et Mohamed. Le marché local passe obligatoirement par la piétonnisation des villes. Celles-ci sont marquées par une transition écologique et architecturale. Il faut donc s'intéresser aux avantages et inconvénients les concernant. Alors, quels pourraient être les avantages qui poussent les commerçants à s'installer dans des rues piétonnes plutôt qu'ailleurs? Les rues piétonnes sont vues comme des attrapes touristes où les gens font attention à ce qui les entoure et où les boutiques sont visibles de loin. Mais alors, il doit y avoir de moins en moins de commerçants dans des rues motorisées? Eh bien non, car beaucoup de commerçants trouvent que l'accès à leur boutique est plus difficile ou alors que leur livreur ne peut pas avoir accès à leur magasin. Quelle est donc la tendance actuelle ? Eh bien, l'avis reste toujours mitigé. Beaucoup préféraient les rues piétonnes où les touristes vont dans les boutiques souvenirs, où il y a de l'ambiance qui est plutôt détendue. Mais certains ne peuvent pas se permettre. Vu la tendance que connaît aujourd'hui les marchés des locaux commerciaux, beaucoup préféraient ne pas s'installer dans des rues trop fréquentées. Mais est-ce que ce principe de rue piétonne marche vraiment pour l'économie ? Oui, dans beaucoup de villes, ça fonctionne très bien. Les piétons prennent plus le temps de flâner, de regarder les vitrines, d'entrer dans les magasins. Les cafés et restaurants profitent aussi dans des terrasses qui attirent les passants. Un centre-ville piéton devient un lieu de sortie, un lieu de promenade, ce qui crée de l'animation et donc de l'activité économique. Cependant, tout le monde n'est pas convaincu. C'est vrai, certains habitants trouvent que l'accès devient plus compliqué, surtout pour ceux qui dépendent de la voiture. Et quand on ferme des rues, la circulation est reportée ailleurs, ce qui peut créer des embouteillages autour du centre. Alors, finalement, est-ce que la piétonnisation est une bonne solution de nos jours ? Oui, à condition qu'elle soit organisée. Il faut des parkings relais, des transports en commun efficaces et des solutions pour les livraisons. Quand c'est bien pensé, la piétonnisation permet de créer un centre-ville beaucoup plus vivant, plus attractif et plus agréable pour tous. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Alors, on a l'habitude, dans l'instant écho, d'écouter les coups de cœur musicaux de nos invités. Alors, pour cette année, pour la classe de DCG, c'est Esteban, qui est étudiant en DCG, qui va nous donner son coup de cœur. Il s'agit de Toi plus moi, de Grégoire. Eh bien, on écoute tout de suite Toi plus moi, Grégoire. Et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves, on peut partir, bien plus loin que la grève, ou toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus celle. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus celle. Et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, Alors, pour attirer de sa clientèle, eh bien, il est important pour le commerce de centre-ville de proposer des commerces qu'on ne retrouve pas en périphérie. Eh bien, c'est l'importance du petit commerce indépendant. Alors justement, Pauline, Lila, Maxime et Dilara sont allés rencontrer un épicier dans le centre-ville. De la rue Saint-Jean aux boutiques de la vieille ville, en passant par la rue Saint-Nicolas, le paysage commercial nancéen est en plein changement. Pourtant, face à la grande distribution, les commerces indépendants n'ont pas dit leur dernier mot. Entre créativité et lien social, comment nos indépendants tirent-ils leur épingle du jeu ? Nous avons donc rencontré le gérant de l'artisan épicier et nous lui avons posé quelques questions. Est-ce que vous pourriez faire une courte présentation de vous, de votre boutique, de ce que vous vendez ? Alors, mon commerce s'appelle l'artisan épicier. Il est situé au 26 rue Saint-Nicolas, Nancy. Ça fait 15 ans qu'il existe. Et donc, moi, je suis fabricant de mélange d'épices, créateur. On a un laboratoire un petit peu plus loin dans la rue des Tiercelins. Donc, j'ai commencé dans les épices en 1999. C'est un métier que je connais bien. Et donc, j'ai réinterprété tous les mélanges emblématiques comme le curry, le cajun, les tandoori, les choses déjà connues. Et je travaille aussi pour, à la demande pour certaines enseignes, notamment par exemple Kinépolis qui m'a demandé de créer une animation pour la sortie du film Dune 2. Donc ça, sont vraiment des créations de mon esprit qui marchent très bien. On a un partenariat avec un petit futé aussi, donc avec qui est passion. Et vous proposez également un restaurant ? On fait à manger tous les midis du mardi au samedi. Vous faites votre activité depuis un moment, mais est-ce qu'avec l'arrivée des grandes distributions, vous avez vu des changements, baisse de clientèle ou un changement de type de clientèle ? Non, pas vraiment, en fait, parce que à partir du moment où vous êtes un spécialiste, les gens identifient tout de suite le produit, s'il est bon, et s'il leur plaît, ils reviennent chez le spécialiste. Parce que c'est ici, l'enseigne, en fait, m'appartient, nous appartient, parce que je suis associé, en fait, et donc les produits de l'artisan épicier, on ne peut pas les retrouver ailleurs qu'ici, sauf chez nos distributeurs. Donc, ce qui fait que les supermarchés, etc., en fait, moi, me gênent pas spécialement, parce qu'ils ont leur type de clientèle, leurs produits, et voilà, les gens qui aiment bien un bon curry, être certain d'avoir un bon curry, par exemple, est plutôt vivre ici. Est-ce que vous diriez que vous avez une clientèle plutôt fidèle ? Bon, y a un gros socle de clientèle fidélisée, mais on a toujours un apport chaque année, en fait, parce que le bouche-à-oreille étant la meilleure publicité, de personnes qui nous découvrent, et c'est tant mieux, c'est très bien. Est-ce que vous diriez que la ville de Nancy arrive à vous mettre en avant par rapport à la grande distribution ou pas vraiment ? C'est difficile d'affirmer quoi que ce soit en la matière. Moi, je suis partisan de dire que si on travaille bien ses produits, c'est pas vraiment à la ville de nous mettre en valeur. Alors, elle nous met en valeur, oui, par les manifestations, les animations, tout ce qui va se passer au cœur de ville, qui va faire venir du monde, en fait. Mais directement que la ville nous mette en valeur individuellement en tant que commerce, bon, c'est pas vraiment le rôle de la ville, en fait. Voilà. C'est l'implantation de votre boutique qui a joué sur l'importance de votre clientèle ? Effectivement, c'est la dynamique, l'attractivité, elle est générée par les nombreux commerces spécialistes qui font venir les gens au centre-ville. Voilà. Et donc, dans l'idée, c'est ça qui fait, en fait, le travail et qui est assoyé. Est-ce que vous diriez que vous vous en sortez plutôt bien dans votre activité, ne rencontrez pas de difficultés à suivre votre production par rapport à la demande ? La production est toujours... Elle est toujours en mouvement, elle est toujours tendue. C'est un bon mal quand on a ce genre de problème, en fait. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément à remplir le rayon comme on voudrait. C'est qu'on a beaucoup de demandes, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous fournissez dans le secteur, comme de manière locale, par exemple ? Les épices, ça vient de partout dans le monde. Donc, nous, on achète les épices toutes seules, par exemple, le curcuma, le gingembre, le cumin, etc., la coriandre. Et ensuite, notre travail, c'est de transformer et de combiner ces épices-là pour en faire des mélanges. Et donc, ça, c'est ce qu'on fait là. Est-ce que vous sentez une grande différence entre vos prix et ceux de la grande distribution, ou c'est votre savoir-faire qui fait que votre clientèle vous reste plutôt fidèle ? Un peu ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais voulu qu'on abuse sur les prix. J'avoue que je m'intéresse pas trop à ce qui se trouve en grande distribution, parce que j'ai pas spécialement envie de me comparer avec la grande distribution. On n'a pas vocation à se comparer. L'industrie, c'est l'industrie. Bon, ils achètent des volumes d'épices, ils les ionisent, donc ça tue les bactéries, mais ça tue une partie du goût aussi. Ensuite, ils sont obligés de remettre, pour rattraper le coup, des colorants, des conservateurs, des choses comme ça. Nous, on travaille que les épices, les sels, les poivres, etc., mais on met rien d'autre dedans. Donc, ça crée une vraie différence au niveau de la qualité. C'est pas franchement utile, en fait, d'aller voir ce qu'ils font. Bon, chacun son business. On va parler maintenant d'un thème important, hein, qui est la concurrence de l'e-commerce pour le commerce de centre-ville. Et c'est donc Esteban et Grégory qui vont nous en parler. Le développement du e-commerce a profondément modifié les habitudes de consommation en France et remis en cause l'équilibre entre commerce en ligne et commerce de centre-ville. Cette évolution soulève une question centrale. Le e-commerce est-il réellement plus attractif que le commerce traditionnel ou peut-il être complémentaire ? Les ventes en ligne connaissent une forte progression. Dans le secteur du textile, près de 30% des achats sont désormais réalisés sur Internet. La facilité d'accès, la diversité de l'offre et la rapidité de livraison incitent de nombreux consommateurs à privilégier ce mode de consommation au détriment des commerces physiques. Les conséquences sur les centres-villes sont significatives. En 2024, le taux de vacances commerciales correspondant à la part de locaux commerciaux inoccupés atteint 10,8% et a doublé dans 132 villes françaises en quelques années. Plusieurs anciennes emblématiques ont fermé ou réduit leur présence, comme Camailleux ou Jennifer, partiellement repris par Célio ou encore Cash Cash et CEA. Toutefois, certains modèles hybrides tentent à rapprocher commerce en ligne et commerce physique. Le click and collect illustre parfaitement cette complémentarité en permettant de commander en ligne tout en retirant les produits en magasin. Ainsi, si le e-commerce s'impose comme un acteur majeur, il pose des défis importants pour les centres-villes dont l'avenir pourrait reposer sur une complémentarité entre commerce numérique et commerce physique. On va parler maintenant d'acteurs importants et qui jouent sur le commerce de centre-ville. Ce sont donc les livreurs. Alors, on va retrouver tout de suite Marie, Miala et Agathe qui vont nous parler justement des livreurs à domicile. Que l'on commande régulièrement ou non, les plateformes telles que Uber Eats et Deliveroo ont profondément changé la manière de consommer en ville. À Nancy, comme dans beaucoup d'autres villes, les livreurs font désormais partie du paysage urbain. À vélo, en scooter, parfois sous la pluie ou le froid, ils sillonnent les rues pour livrer nos repas le plus rapidement possible. On estime à 180 000 le nombre de livreurs en France. Au fait, Miraella va nous présenter les caractéristiques de ce métier. Le métier de livreur attire surtout des jeunes avec plus de 90% d'hommes, des étudiants ou des personnes en recherche de revenus flexibles afin de compléter leur revenu principal. Le revenu moyen d'un livreur à domicile est de 112 euros brut pour 8 heures de travail. Mais est-ce vraiment un avantage pour les commerçants locaux ou au contraire un système qui pose problème sur le long terme? On va essayer d'y voir plus clair. La livraison à domicile peut être un vrai coup de pouce pour les commerçants de Nancy, en particulier les restaurants. Le premier avantage, c'est la visibilité. Parce que être présent sur les plateformes de livraison, ça permet aux restaurants d'être visibles chaque jour par des milliers de personnes, notamment des étudiants qui sont très nombreux à Nancy. Pour un petit établissement ou un restaurant récent, c'est une manière rapide de se faire connaître sans investir dans une grosse publicité. On y retrouve un deuxième point positif, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires. Grâce à la livraison, les commerçants peuvent vendre plus, même en dehors des heures creuses ou quand la salle de restaurant est vide. Enfin, la plateforme offre une solution clé en main. Le commerçant n'a pas besoin de gérer les livreurs, les paiements ou la logistique. Ces plateformes s'occupent de tout, ce qui peut être rassurant, surtout pour les petits commerces. De plus, c'est un gain de temps pour les consommateurs et de facilité. Nous avons alors interrogé des commerçants qui utilisent ces plateformes. Pour McDonald's, la livraison à domicile représenterait 10% de son chiffre d'affaires. Concernant les petits restaurateurs indépendants, environ 25 à 30% de leur chiffre d'affaires provient de la livraison à domicile. Mais tout n'est pas parfait, ces plateformes ont aussi des inconvénients. Agathe va nous en parler. Le principal problème pour les commerçants, ce sont les commissions élevées, qui peuvent aller jusqu'à 30% de plus des frais d'abonnement permettant d'apparaître sur la plateforme. Cela réduit fortement la marge, surtout dans un secteur où elles sont déjà faibles. Il y a un autre inconvénient qui est la dépendance à la plateforme, parce que les commerçants n'ont aucun accès aux données clients, ce qui complique la fidélisation. Il n'y a aucune relation client entre le consommateur et le restaurateur. Les livraisons à domicile sont donc une réalité de notre quotidien, pouvant être pratiques pour les consommateurs et soutenir l'activité de certains restaurants, mais certains y voient une forme d'exploitation de ces livreurs qui ont souvent une rémunération pas très élevée. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Alors, problématique importante dans le commerce de centre-ville, c'est le niveau des loyers commerciaux. Alors justement, on va retrouver tout de suite Jalis, Mathéo et les deux Lucas, donc pour nous parler effectivement de l'importance des loyers commerciaux dans la métropole du Grand Nancy. Nancy n'est pas une ville commerciale comme les autres. C'est une métropole où l'histoire architecturale rencontre une densité étudiante exceptionnelle. Pourtant, si vous marchez de la place Stanislas vers le point central, c'est une tension invisible qui se joue. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui n'est pas seulement immobilier, il est politique et économique. C'est l'impact des loyers commerciaux sur la vitalité de notre centre-ville. Comment expliquer qu'une ville aussi attractive lutte encore contre des vitrines vides? Les loyers pratiqués par les propriétaires sont-ils trop chers? Jalis va nous parler de la diversité des loyers constatés à Nancy. Alors, premièrement, il va falloir comprendre la géographie des loyers. Nancy vit une situation de fracture. Sur l'axe majeur, donc la rue Saint-Jean et la rue Saint-Georges, les loyers restent des loyers de capitale régionale, souvent au-dessus de 1300 euros le mètre carré par an. C'est un coût que seules les grandes enseignes peuvent supporter. Dès que vous tournez au coin de la rue, rue Saint-Dizier, le loyer diminue, mais la fréquentation aussi. Les petits indépendants se retrouvent coincés, car soit ils paient trop cher pour être vus, soit ils paient un prix raisonnable pour être moins visibles. Lucas Droval va parler de la concurrence des zones commerciales. En effet, n'oublions pas que le loyer nancien subit la concurrence directe de sa propre périphérie. La zone de Houdemont ou la Porte Verte offre des loyers parfois similaires, mais avec une accessibilité et un flux automobile qui garantissent un chiffre d'affaires souvent supérieur. Pour un investisseur, l'arbitrage est vite fait. Le centre-ville devient un choix de cœur ou d'image, plus qu'un choix de pure rentabilité. De surcroît, le succès de ces zones commerciales engendre aussi de la vacance commerciale. Et c'est justement Mathéo qui va nous parler de ce taux de vacances à Nancy. Le taux de vacances commerciales dans le centre de Nancy ne s'est pas effondré. Il se stabilise autour de 10 à 11%. Pourquoi ce chiffre est-il important? En effet, la moyenne nationale des villes dynamiques est souvent sous les 8%. Dépasser les 10% est un seuil d'alerte. Mais attention, ce chiffre cache une vacance stratégique. Certains propriétaires, comme les banques, les assurances ou même les vieilles familles, préfèrent garder un local vide pendant 2 ans plutôt que de baisser le loyer à 20%, car baisser le loyer dévaloriserait la valeur de leur patrimoine à la revente. Pour conclure, le loyer commercial à Nancy agit aujourd'hui comme un filtre trop puissant. Il a assaini le marché en ne gardant que les plus solides, mais il a aussi standardisé le centre-ville en repoussant l'audace et la nouveauté vers les quartiers périphériques. L'enjeu des années à venir pour la métropole ne sera pas seulement de remplir les cases vides, mais de convaincre les bailleurs qu'un loyer modéré et perçu vaut mieux qu'un loyer élevé et théorique. Nancy a le potentiel, il lui reste à ajuster son prix. Alors la mairie joue un rôle essentiel pour maintenir l'attractivité et le dynamisme du commerce de proximité, comme vont nous le montrer donc Arthur, Julien, Timothée, Antoine et Raphaël. Timothée, quel est le constat général sur la santé de nos commerces nancéens aujourd'hui ? Qu'on a pu le constater avec les différentes interventions de nos camarades, le constat est nuancé. Depuis plusieurs années, le centre-ville est fragilisé par 3 facteurs majeurs. Les travaux de voirie qui impactent l'accès, la concurrence féroce des zones commerciales en périphérie et surtout la vacance commerciale. L'image donnée par certaines vitrines fermées en plein cœur de la ville reste problématique. Ça crée un sentiment de déclin qui n'est pas forcément représentatif de la réalité, mais qui marque les esprits. Raphaël, tu es souvent sur le terrain en tant qu'étudiant. Est-ce que tu ressens personnellement cette situation au quotidien ? Oui, clairement. Il y a des zones où on sent moins de passage, surtout durant les phases de travaux qui peuvent décourager les clients. Mais c'est intéressant de noter une transition. On voit aussi que quand les personnes se promènent, notamment dans les nouvelles zones piétonnes, ils changent de comportement. Ils ne sont plus pressés par les voitures et entrent beaucoup plus facilement dans les boutiques, même sans avoir prévu d'acheter quelque chose au départ. Justement, la ville veut favoriser la piétonnisation de l'espace public. C'est au cœur de la stratégie municipale. Arthur, toi qui habites dans le centre, comment vis-tu cette transformation ? Pour être honnête, au début, c'était compliqué, surtout pour circuler ou se garer. Mais aujourd'hui, mon regard a changé. Je trouve le centre-ville beaucoup plus agréable, plus respirable. On prend plus le temps de flâner, on s'arrête pour regarder une vitrine, on va boire un café en terrasse, on ne vient plus seulement pour un achat précis et rapide. On vient pour l'expérience globale du centre-ville. Que fait concrètement la ville pour lutter contre la vacance commerciale ? Raphaël, tu peux nous en dire plus ? La mairie commence à agir fermement. Elle utilise notamment une taxe sur les friches commerciales pour inciter les propriétaires à ne pas laisser leurs locaux vides trop longtemps. Résultat, on voit arriver de nouveaux facteurs, surtout des petits commerces indépendants, parfois très originaux. Antoine, est-ce que cette diversité change vraiment ta perception de Nancy ? Totalement. Quand il y a moins de vitrines vides et plus de diversité, comme des friperies, des concept stores, des artisans, on a simplement envie de revenir plus souvent. On sent que le centre est vivant, qu'il s'y passe quelque chose. On sort de la logique des grandes enseignes qu'on retrouve partout ailleurs. Pour terminer, il semble que la ville utilise un observatoire du commerce. Timothée, la ville assume donc un certain interventionnisme ? Absolument. Nancy s'appuie sur cet observatoire pour analyser précisément les ouvertures et fermetures. On constate par exemple une baisse des grandes enseignes de vêtements mass market au profit d'une forte hausse de la restauration et de l'hôtellerie. Cet outil permet à la mairie d'adapter sa politique en temps réel pour éviter que certains quartiers ne deviennent des déserts. Alors merci pour votre intervention qui montre que le dynamisme de centre-ville ne repose pas uniquement sur les commerçants eux-mêmes, mais c'est également le résultat de choix politiques et d'actions concrètes menées donc par la municipalité. Faites le plein de bonnes ondes avec Fadjet. Merci aux étudiants DCG du lycée Georges Delatour d'avoir joué le rôle de journaliste donc pour aborder ce thème du commerce en centre-ville à Nancy. Si vous avez pris l'émission en cours, sachez que vous pouvez nous retrouver en replay sur le site de Radio Fadjet. Alors rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de l'Instant Écho. Et d'ici là, n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.